Et moi, du coup. Du coup, ben. Tout en décalé. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah ouais, quoi. Allons-y, allons-o. Chanteuse que j'aime beaucoup. Putain, c'est quoi son prénom? Pas Marlène. Patricia Cass. Attends, attends, attends. J'essaie de retrouver celle que j'ai chantée au conservatoire. Mademoiselle chante le blues. Il y en a qui élèvent des gosses au fond des HLM. Il y en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine. Il y en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Et il y en a même qui militent dans la rue avec tracts et banderoles. Et il y en a même qui jouent les sex symboles. Putain, j'ai carrément oublié comment on chante ça. Faut que je me remette au chant, ça va pas du tout. Pas du tout, du tout, mais alors pas du tout.